بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Aujourd'hui on verra un chapitre important inshallah تعالى. باب قول الله تعالى, le chapitre concernant la parole d'Allah le très haut. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. Et c'est en Allah que vous devez placer votre confiance si vous êtes croyant. Et c'est en Allah que vous devez placer votre confiance si vous êtes croyant. Et donc on verra aujourd'hui inshallah ta'ala at-tawakkul. Le tawakkul, le fait de placer sa confiance en Allah tabaraka wa ta'ala. Le tawakkul, oh chers frères, il fait partie des obligations de notre religion. Il fait partie des obligations dans la croyance. Il fait partie des obligations concernant les actes, les œuvres du cœur. Et donc, qu'est-ce que et tawakkul? Et tawakkul, dans la législation, c'est le fait de placer sa confiance en Allah, tabaraka wa ta'ala, concernant le fait d'entraîner le bien et de repousser le mal. Tu places ta confiance en Allah, tabaraka wa ta'ala, tu dois faire la hijra, tu dois émigrer dans un pays musulman, tu places ta confiance en Allah, tabaraka wa ta'ala, dans le fait de te faciliter, de t'accorder ce dont tu as besoin pour vivre là-bas, et aussi le fait de repousser tout mal qui pourrait t'empêcher de vivre là-bas parmi les musulmans. Et donc tu places ta confiance en Allah tabaraka wa ta'ala. Et le fait de placer sa confiance en Allah tabaraka wa ta'ala ne contredit pas le fait de faire les causes. Le fait de faire les causes, légiférer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, il s'est fait une ruqya. Et pourtant donc il place sa confiance en Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc, mais lui-même, il s'est fait une ruqya. Et il se soignait aussi, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et aussi, il a aussi décrit, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a décrit donc des remèdes pour toute personne, pour ceux qui en avaient besoin. Pour ceux, il a décrit des remèdes à ceux qui en avaient besoin. Et donc, le fait de faire les causes ne contredit pas du tout le tawakkul. Et le tawakkul, nous en avons besoin. Le tawakkul fait partie de notre foi. Comme on le verra, inshallah ta'ala, durant ce chapitre. Ce court chapitre, inshallah ta'ala, ne sera pas long, mais il est très très très important. Oh, chers frères, barakallahu fikoum. Et c'est pour cela que malgré le fait qu'il soit court, j'insiste sur le fait d'aborder que ce chapitre aujourd'hui, pour qu'on se concentre sur ce sujet. Jazakumullahu khairan. Et donc Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Et donc c'est en Allah que vous devez placer votre confiance si vous êtes croyant. Donc c'est-à-dire si vous croyez en Allah, si vous croyez au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, si vous croyez en ce avec quoi est venu le messager d'Allah tabaraka wa ta'ala, si vous croyez au fait que tout ceci est la vérité, alors placez votre confiance en Allah et répondez à l'appel d'Allah tabaraka wa ta'ala et de son messager. Et donc si nous sommes croyants, nous devons placer notre confiance en Allah tabaraka wa ta'ala, car il nous a promis de nous secourir. Il a promis de secourir ses alliés. Et donc nous devons placer notre confiance en Allah Azza wa Jal. Et cela fait partie de notre foi. Et c'est pour cela qu'Allah tabaraka wa ta'ala a souvent fait dans le Coran le lien entre la foi et at-tawakkul. Wa 'ala Allahi falyatawakkalil mu'minun. Et c'est en Allah que les croyants place leur confiance. Et donc il y a plusieurs versets qui nous montrent cela. Ensuite l'auteur qui nous dit rahimahullah, ainsi que la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, innamal mu'minun alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Subhanallah, subhanallah, la ilaha illallah. Qui sont les croyants? Certes, les croyants, ce sont ceux que lorsque Allah est cité, wajilat qulubuhum, leur cœur frémisse. Cela a un impact sur leur cœur lorsque Allah tabaraka wa ta'ala est cité. Wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana. Et lorsque les versets d'Allah tabaraka wa ta'ala leur sont récités, cela augmente leur foi. Ya Allah. Oh Allah tabaraka wa ta'ala, oh Allah, place-nous parmi ces gens, ceux dont leur foi augmente lorsqu'ils entendent ton appel, lorsqu'ils entendent tes versets. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Et c'est en leur Seigneur qu'ils placent leur confiance. Ils ne placent pas leur confiance dans la carte vitale. Ils ne placent pas leur confiance dans le salaire que le patron va leur donner tous leurs mois. Ils ne placent pas leur confiance dans les euros, ni je ne sais. Ils placent leur confiance en Allah, tabaraka wa ta'ala. Et donc, au cher frère, il faut qu'on sache que si on n'a pas de tawakkul, on ne peut rien faire. Si tu ne places pas ta confiance en Allah tabaraka wa ta'ala, quand vas-tu venir faire tes prières à la mosquée? Puisque, vu que tu n'as pas confiance en Allah tabaraka wa ta'ala, celui qui n'a pas confiance en Allah tabaraka wa ta'ala, il ne va pas faire attention aux prescriptions d'Allah, mais il va regarder ce que son patron lui dit. Son patron lui dit, non, il n'y a pas de prière. Ah non, il n'y a pas de prière. Il faut que tu travailles. Pas de prière, non, je ne veux pas de prière. Tu restes au travail de 8h du matin jusqu'à 17h le soir. Dans toute cette période-là, il n'y a pas de prière. Tes prières, c'est quand tu rentres à la maison ou avant de venir. Chez toi. Est-ce que tu places ta confiance en Allah, tabaraka wa ta'ala? Ou alors tu places ta confiance en ce patron, ce chef d'entreprise? Place ta confiance en Allah, tabaraka wa ta'ala. Quitte ce travail et va chercher un travail licite. Un travail où, donc, pour lequel on te laisse faire tes prières. On te laisse obéir à ton Seigneur, tabaraka wa ta'ala, place ta confiance en Allah. Si tu n'as pas de tawakkul, tu ne pourras pas trouver du temps pour chercher à apprendre l'arabe, chercher à lire le Coran, parce que tu seras concentré à chercher comment gagner de l'argent, comment réussir économiquement. Parce qu'il y a un manque de tawakkul. On ne place pas suffisamment notre confiance en Allah, tabaraka wa ta'ala. Ensuite, l'auteur qui nous cite la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, Ya ayyuhan nabi, hasbuka Allahu wa manittaba'aka minal mu'minin. Ô prophète, Allah te suffit. Et il suffit à tous ceux qui t'ont suivi parmi les croyants. Tayyib, est-ce que tu as suivi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Naam. Allah te suffit. Allah te suffit, mon frère. Tu n'as pas besoin de ce patron d'entreprise. Tu n'as pas besoin de telle et telle personne qui t'appelle à désobéir. Tu n'as pas besoin de tel et tel état qui t'appelle à désobéir. Tu n'as besoin que d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Hasbukallah wa manittaba'aka minal mu'minin. Allah te suffit et il suffit à tous ceux qui t'ont suivi parmi les croyants. Ici, je fais une petite parenthèse. Par rapport à une mauvaise compréhension, parce qu'en arabe, certaines personnes, elles peuvent comprendre que ce qui est voulu ici, c'est Allah te suffit à toi et les croyants aussi te suffisent. Non, ce n'est pas ce qui est voulu ici dans ce verset, pas du tout. Allah te suffit et il suffit aux croyants, à ceux qui t'ont suivi. Al-hasbu lillahi wahda. Al-hasbu, c'est que pour Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc tu ne peux pas dire hasbi Allah thumma ant. Tu ne peux pas dire « Allah me suffit, puis toi ». Non, c'est « Allah me suffit seul ».« Hasbi Allah wa ni'mal wakil ».« Allah me suffit, quel bon garant ». « Hasbi Allah wa ni'mal wakil ». Ensuite, l'auteur qui nous cite la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbu. Celui qui place sa confiance en Allah, alors Allah lui suffit. Oh, cher frère, ce verset-là, il me rappelle la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, dans le hadith Qudsi, ana 'inda dhanni 'abdi bi. Je suis pour mon serviteur ce qu'il pense de moi. Hein? Est-ce que tu penses que Allah te suffit? Est-ce que tu penses qu'Allah te suffit? Si oui, alors place ta confiance en Allah. Place ta confiance en Allah et fais la hijra. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbu. Celui qui place sa confiance en Allah, Allah tabaraka wa ta'ala lui suffit. Ensuite, l'auteur qui nous cite la parole donc de Ibn Abbas, radiallahu anhuma, an Ibn Abbas, radiallahu anhuma, qala حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا رواه البخاري والنسائي. الله أكبر. Allahu Akbar, quel bon rappel, subhanallah, l'Ali al-Azim. Ibn Abbas, radiallahu anhumah, qui nous cite la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, hasbunallahu wa ni'mal wakil, Allah nous suffit et quel bon garant. Il dit, Ibn Abbas, radiallahu anhumah, que cette parole a été prononcée par Ibrahim, alayhi salam, lorsqu'il a été jeté dans le feu. Que s'est-il passé? Ils ont jeté Ibrahim dans le feu. Allah tabaraka wa ta'ala a rendu le feu doux pour Ibrahim alayhi salam. Allah qui gère toutes choses, il gère le feu, il gère la glace, il gère tout. Le feu est devenu doux pour Ibrahim alayhi salam et ne lui a pas fait de tort, ne l'a pas brûlé. Ibrahim, il a dit alayhi salam, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allah nous suffit et quel bon garant. Est-ce que tu crois en tout ça? Est-ce que tu crois en cela ou alors pour toi ce sont des contes anciens, ça ne nous concerne pas? Tu y crois? Applique. Pratique. Mets-le en pratique. Et il continue, Ibn Abbas, il nous dit, et aussi, Mohammedun, sallallahu alayhi wa sallam, il a prononcé cette même parole. Quand? Il l'a prononcé quand? Il nous dit, Ibn Abbas, il nous cite le verset, la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, lorsqu'il dit inna an-nas qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana, c'est-à-dire ici c'est lorsque des gens ou plutôt une personne est venue voir les croyants, c'était après une bataille, subhanallah, après la bataille de Uhud, il y avait beaucoup de blessés, les croyants rentraient chez eux affaiblis et blessé. Vous connaissez l'histoire de la bataille de Uhud. À cause d'une désobéissance, les compagnons ont perdu une bataille. Et donc, il y a eu des morts, des blessés. Ils rentraient chez eux, ils étaient faibles. وَقَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ. Et donc, quelqu'un leur a dit que les gens se sont réunis contre vous. C'est-à-dire les koufars de Quraysh. Tout de suite, là, après cette bataille-là, ils vont revenir sur vous, là, tout de suite. Tout de suite, ils vont revenir vers vous pour vous attaquer une deuxième fois. Là, vous êtes dans cette situation de faiblesse et ils vont encore vous attaquer tout de suite, là. Farshahum. Alors, craignez-les. Craignez les gens qui vont vous attaquer, qui vont vous faire du tort, qui vont vous faire du mal, qui vont vous faire souffrir. Fazadahum imana. Alors cela a augmenté leur foi. Allahu Akbar. Cela a augmenté leur foi, ya jamaa. Oh mes frères, ça a augmenté leur foi. Ça n'a pas augmenté leur peur. Ça a augmenté leur foi. Wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Et ils ont dit hasbunallah. Allah nous suffit. Nous sommes dans une situation de faiblesse. Nous sommes faibles. Allah nous suffit. Wa ni'mal wakil. Et quel bon garant. فَنْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ. Ils sont donc repartis avec les bienfaits d'Allah et sa grâce. Aucun mal ne les a touchés. Allahu Akbar. Aucun mal ne les a touchés. وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ. Ils ont suivi les causes de la satisfaction d'Allah. رِضْوَانَ اللَّهِ. Et donc voilà ce que nous devons faire, ô chers frères et sœurs. Rechercher les causes de la satisfaction d'Allah. Tabaraka wa ta'ala. Placer notre confiance en Allah. Tabaraka wa ta'ala. Et lorsque nous disons Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ce n'est pas que dans la bouche, mais nous devons aussi l'appliquer dans notre vie, y croire fermement dans notre cœur. On va arrêter là pour aujourd'hui. Inch'Allah ta'ala. Donc le hadith a été rapporté par Al-Bukhari ainsi que Al-Nasa'i. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous accorder la réussite. Il est capable de toutes choses. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa jazakumullahu khayran.